Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'Abba. Bonsoir DJ Sid. Salut Grégoula. Bienvenue dans une nouvelle session de découverte de nouveautés, de vieilleries, qu'importe. Nouvelle session du secret du son d'Abba, toujours en quête. On commence tout de suite par l'un des jolis concerts de l'été 2012. Un été bien triste, bien gris. Et rien de tel qu'un bon concert de hardcore métallisant avec la venue assez géniale au Ferrailleur le 14 août prochain de Norma Jean avec Darkest Hour. On écoute tout de suite Norma Jean, tiré de leur dernier album sorti en 2010, s'appelle Meridional. Norma Jean dans le secret du son d'Abba. Le 14 août, donc, au Ferrailleur à Nantes, avec les Scandinaves de Darkest Hour, math metal, bien connu aussi, des amateurs du genre, Norma Jean, qu'on n'avait pas vu dans les contrées depuis une petite paye, une sacrée paye, parce que je crois qu'ils n'étaient jamais venus dans l'Ouest. Voilà, ils avaient sorti leur cinquième album avec Meridional en 2010, qui était plutôt un beau retour aux affaires, toujours dans l'esprit, vous avez bien compris, Post-Botch, Converge, The Hobbs Conspiracy, avec leur truc un petit peu rock'n'roll où on retrouve les influences un peu à la Refused. Donc un melting pot vraiment toujours frais et délicat, comme je les aime, n'est-ce pas? Excellent. On poursuit avec Pop 1280. Pop 1280, tout à fait. Après quelques mois dans cette année 2012, on est à mi-parcours. Ça reste pour le moment un de mes albums préférés. Il était sorti de même, je crois, quelques semaines avant, même fin 2011. Enfin voilà, il y avait déjà des premiers extraits qui traînaient. Premier album, The Horror, pour ce groupe new-yorkais qui avait quelques EP à son actif. Je vous renvoie bien sûr vers les fouineurs, les découvreurs de Kérosène, l'association K-Fuel à Rennes, qui avait mis l'oreille, mis la main sur ce groupe bien avant nous, et on les bien en remercie. Bien avant d'être signé sur Sacred Bones, le voilà, puisque aujourd'hui ils sont sur un label d'importance, on va dire, un label indépendant si ce n'est de premier plan, de second plan en tout cas. Bodies in the Dune, c'est mon morceau préféré de cet album, avec une énorme influence, je pense, du côté Chutkop, ce côté... martelé un peu. Voilà, punk industriel martelé. Plus loin, on pourrait retrouver Killing Joke et les groupes de ce genre-là dans les années 80. Vraiment impressionnant, massif, hypnotique, mais ça doit, je ne pense pas, occulter un album qui est un peu plus nuancé, plus riche, avec des influences plus variées. Ça va chercher, y compris dans le rock noise garage, bien crado, bien déjanté, des guitares anguleuses, une batterie puissante. Enfin voilà, c'est un album moi qui m'a enthousiasmé, que je trouve largement au niveau des aînés qu'on vient de citer. Ce qui n'est pas une masse à faire. Ce qui n'est pas une masse à faire de nos jours, et ça fait partie, comme d'autres découvertes du côté de Cheka Fuel, la Club Cleaner, Balaclavas, etc. Vraiment des groupes que moi j'ai, qui m'ont vraiment marqué ces dernières années. On va donc s'en faire un extrait, c'est le Bodies in the Dune de l'album The Horror par Pop 1280. We'll be right back. le grand retour de Justin Broderick. Bah dis donc, moi je croyais que ça y est, il reviendrait plus hein. C'est vrai que pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps déjà, on pouvait quelques se demander, années. Quelques années maintenant, mais... Que devient donc Justin? Que deviens-tu? C'est un temps où on en passait quasiment un par émission, c'est vrai qu'il avait une grosse période, et puis il s'est assagi, ou du moins il a pris du recul. Ou il avait plus de label pour sortir ses disques. Ça peut être aussi une hypothèse. Ça arrive, ça. Ça peut être une hypothèse. En tout cas, le revoici de retour chez lui, c'est-à-dire à Birmingham, avec 3x3, le label qu'on aime tant, qui a essentiellement en fait, publié jusqu'ici Cloaks et Dead Feather, et qui s'attire donc les services de Justin Broderick. Pour une évidence. Voilà, une évidence. Quand on connaît les publications précédentes de ce label, voilà, Godflesh, Techno Animal, c'était d'énormes influences pour ce label 3x3. Et ce Posthuman, ce double vinyle qui a édité à 500 exemplaires et qui existe aussi en CD, Posthuman, donc sorti sous le nom GK Flesh, ben, s'impose évidemment logiquement sur ce label. Donc on est je viens de parler de Godflesh Techno Animal, donc deux projets phares de Justin Broderick. On est vraiment dans un mix des deux, avec ses basses un peu retournées, très influencées dubstep, darkstep des années 90, et puis effectivement ce crossover entre dubstep, hip-hop, guitare très lourde. Voilà, on est dans un univers qu'on connaît bien, ça fonctionne. Ça manque un poil de fraîcheur, de nouveauté, mais on aime bien. Ok. Justin, si tu nous entends, tu es toujours le bienvenu. On poursuit avec un revenant aussi, hein, quelque part, l'ami Square Pusher, avec un nouvel album qui s'appelle Euphemblum, sorti sur, évidemment, Warp. Un retour, certains parlent de Revival IDM déjà. Ça laisse sourire, ça laisse songeur. Mais j'ai un peu les boules que ça soit une réalité, parce que si on doit se farcir, parce qu'il est super sympa cet album, mais ouais. Si on doit se farcir 15 000 projets à l'identique qui vont revenir avec les mêmes logiciels, les mêmes manières de déconstruire, etc., et les mêmes mélodies. Moi, je vais prendre des vacances. Ouais. Et on n'est pas forcément obligé de les écouter, mais en tout cas, c'est une vraie question. En tout cas, cet album, comme tu le dis, il est vraiment sympa. C'est un peu un retour de sources parce c'est clair. On lit la presse et beaucoup de gens sont un peu dithyrambiques, mais vraiment, il n'y a rien de neuf. Ça grave pas. Voilà, c'est un peu un gros retour en arrière pour Square Pusher. C'est ça. Qui s'était un peu, certains diront, perdu dans les années 90. Il avait essayé juste les années 2000. C'était juste à essayer à d'autres choses. Là, il revient à des choses vraiment IDM. Vous allez entendre un extrait tout de suite. Voilà, un album vraiment sympa, vraiment très mélodique, vraiment réussi, inspiré, tout ça. Vraiment. Pour guincher, ça fonctionne. Voilà. Il faut qu'il y ait encore des gens qui gagnent sur de l'IDM. Je sais pas s'il y en a. C'est une vraie question. En France, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, on écoute Square Pusher dans le secret du son là-bas. C'est avec un certain plaisir. We'll be right back. exactly what you said. Jump up, jump up, everybody jump up. Jump up, jump up, everybody jump up. Jump up, jump up, everybody jump up. Up, up, up, up, up, everybody jump up. Admirat Belay, remixé par Terror Djanga Danja, sorti fin 2011, cette compilation qui regroupe toutes les maxi sorties fin 2010, courant 2011 sur Greensleeve Records, une série qui s'appelle Greensleeve Dubstep chapitre 1. Pourquoi ? Parce que c'est les plus grands noms, les vedettes jamaïcaines, Mavado, Yellowman, Admiral Bailey qu'on vient d'entendre, qui sont remixés par les grands noms du moment au niveau dubstep. Tout ça sous le parrainage avisé de The Bug. C'était une très très jolie compilation que je vous recommande toujours. On est en plein été, un peu morose, mais je vous le recommande. C'est chaud, c'est bon, ça se danse. Bon, des fois, il y a des petites sorties un peu industrielles, mais c'est pas grave, ça tape. C'est ça, le propre, on disait hors antenne, c'est le propre du son anglais d'avoir des gimmicks, mais de toujours les pervertir, ouais, toujours quelque chose de plus que juste une évidence, quoi. Voilà, c'est clair, et on est évidemment au-delà des clichés d'upstep et du tout venant d'upstep du moment ou de ce qu'il a été un moment. En tout cas, une très jolie compilation que je vous recommande chaudement. Voilà, je pense qu'elle ressortira pas en vinyle, c'est bien dommage, mais il faut maintenant choper tous les maxis qui traînent sur le net à des prix difficilement conciliable avec les bourses. On poursuit avec Electric Kettle. Voilà, du dubstep jamaïcain au breakcore. On a lu que le breakcore était mort. Ah, ben bien sûr. C'est vrai qu'on en a soupé des patterns, des séquences d'amen break à n'en plus finir. On en a peut-être eu marre. Les compositeurs eux-mêmes s'en sont lassés. Mais pourtant, certains ont organisé la résistance, Praxis Records évidemment, Praxis Records a toujours été dans la résistance de toute façon, donc c'est réglé. Ils ne pouvaient qu'être à la pointe de la résistance en matière de breakcore et de sonorités comme ça, qui font bouillir, qui foutent le feu au dance floor au propre pour le coup. C'est le son tempétueux des dernières enclaves insurgées de Berlin avec Electric Kettle, le meilleur live encore aujourd'hui dans le genre, dans le genre en activité, et c'est son grand retour là pour le coup, pas n'importe où, donc chez Praxis. C'est vrai qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles autrement justement qu'en live, en tout cas sur vinyle depuis 2007. Voilà un 4 titres qui, espérons-le, en appelle d'autres. C'est News from Berlin, on va s'écouter Scale Storm. Et puis je vous encourage à aller le voir à Rennes au mois de juillet si c'est pas trop tard, et puis ailleurs, il va tourner cet automne. Peut-être qu'il faudra bouger ses fesses jusqu'à l'Orient, ce serait méga classe. Je crains qu'il faille bouger ses fesses un peu plus loin pour l'entendre. le gars Electric Kettle, en tout cas voilà, ça fait plaisir. C'est du breakcore inventif avec une construction live qui revient jamais deux fois sur les mêmes motifs. Je dirais que l'influence majeure, comme on va pouvoir l'entendre, c'est Somatic Responses, ce qui est pas à peu dire. Et voilà, trêve de louange du beat. Storm is coming. Our storm. Et non, mon cher Greg, ça n'est pas le retour du chanteur de Momakil, ni le nouveau Peak Destroyer. C'est bien le duo spécialisé en grind digital à la sauce grand guignol, Vourcr, qui est un duo composé de deux Français, en fait. Y a le gars qui faisait Igor, a priori Gauthier Serre, et puis un camarade qui s'appelle Vincent Mulk, qui a priori fait partie d'un certain nombre de formations grind classique. Local. Et donc ça sort chez... C'est le troisième album de Vourcr. Ça sort chez Ad Nauseam. Le précédent était chez Crucial Blast, qui évidemment à la fois aime tout ce qui bastonne, drôle, mais aussi noise, voilà, mais qui manque pas d'humour, puisque on l'a compris, Vourcr, c'est vraiment de la bestialité, mais non dénuée de second degré, avec souvent des blasts avec des contrepoints complètement détonnants, du lyrique, du classique, parfois des trucs bien dégueulasses à la Eric Serra, des guitares poppy comme on vient de l'entendre à la fin de ce morceau qui s'appelait Polygroin, le bien nommé. Donc l'album s'appelle 42-47 Snare Drums, avec une pochette assez hilarante, avec plein de formules mathématiques où je pense qu'ils essayent de trouver la formule du grind digital. Je sais pas bien exactement en quoi ça consiste, mais voilà, c'est Ad Nauseam qui nous sort ça, et c'est bon, comme les précédents, la recette on la connaît, mais c'est toujours assez jouissif. Exactement, on poursuit, on reste en France avec le petit trio Lavallois, bien sympathique, qu'on aime bien ici, qu'on a déjà passé. On parle bien sûr de Azidro, qui avait fait un très joli concert lors du festival All Aboard le 30 juin dernier au Galion à Lorient. C'était une très jolie après-midi, mélange de combo folk et de combo plus hardcore ou post-hardcore, avec Bad and Rock, qui confirme un petit peu les bons échos entendus par-ci par-là. Azujo a fait un concert très correct, c'était vraiment sympa. Ouais, très bon. Très ça bon mériterait souvenir. Plus de son, voilà, mais vraiment très très chouette formation, avec un set très varié, avec des morceaux vraiment très bien écrits. Sur des choses bien évidemment qu'on connaît, mais avec une vraie personnalité. Voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil sur leur discographie, dont il y a un album et un nouveau split LP qui est sorti au début d'année 2012. Voilà, et on va écouter un extrait qui s'appelle Fingers to Stop. Voilà, As We Draw dans Le Secret du Son là-bas. Yeah. Elisabeth en direct dans le secret du son d'Abba. Elisabeth, nouveau combo suisse, nouveau groupe où on retrouve l'ancien chanteur de Nostromo, toujours de la partie, le garçon, dans une version évidemment, vous avez entendu, de hardcore hurlé, légèrement métallisant et chaotique, dans la lignée de ce qui a été fait depuis la 96-98, l'émergence de groupes comme Butch, Converge, etc. Voilà, un album très très solide dans le genre, hardcore chaotique, très classique aussi, mais néanmoins très inspiré. Chaudement recommandé, sorti sur le label de Saint-Brieuc, néo-morbihanais Thrillwinner Records, voilà, qui a sorti des bien belles galettes ces derniers mois, et c'était l'occasion de le souligner. Voilà, c'était la petite session post-hardcore hardcore du moment, cet été 2012. On va prendre un peu de hauteur, on va prendre un peu de légèreté avec le, un nouveau EP de, oui mon cher Grigola, avec un nouveau EP de Ecoplex. Ecoplex, on en avait diffusé, on s'était fait un doublé d'ailleurs même l'hiver passé pour mettre en évidence le travail, enfin plus qu'intéressant. Moi je suis assez passionné par ce que ce garçon fait. Depuis peu de temps finalement, c'est un gars, pour le rappeler, hein, un anglais nommé Nick Edwards qui a dans nos âges, mais qui... On ne dit plus nos âges par contre. On ne dit plus nos âges, mais ça veut dire qu'il est pas né de la dernière pluie toutefois, et que pour autant, il est apparu sur la scène, on va dire, électronique anglo-saxonne il y a à peine 2-3 ans. Féru de synthé analogique, on donne un peu l'impression qu'il a un son un peu en apesanteur. Alors on avait notamment parlé de ses influences évidentes, majeures, autour des groupes industriels de la première heure, à commencer par Cabaret Voltaire. Là on va s'écouter le Dromy Lee Vale EP, sorti par un label que je ne connaissais pas, qui s'appelle Public Information. Et là on va plus penser à un son des années 90. Pas forcément des choses que tu connais, mais enfin en tout cas des choses que moi j'avais beaucoup écouté, beaucoup mixé aussi d'ailleurs à l'époque. L'album ambiante de Joey Beltram, l'italien Leo Anibaldi, Locust, Mark Vanon, qu'on avait eu l'occasion de passer aussi cet hiver. Voilà, une électronique qu'on nommait pas vraiment Electronica, qui était à mi-chemin entre l'électro, la techno, assez lente, assez fantomatique. Beaucoup basé effectivement sur des synthétiseurs vintage, un son un petit peu comme ça qu'aujourd'hui on aurait du mal à dater. En tout cas voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, enfin même que moi j'aime vraiment beaucoup. Il fait du live, même je pense que c'est vraiment quelque chose à voir, parce que c'est du genre avec, tu vois, il va occuper 4 mètres carrés rien qu'avec des synthés, des vieilles bécanes, des lecteurs antédiluviens, enfin voilà, ça, je pense que ça vaut vraiment le coup d'être vu et entendu. Malheureusement, évidemment, il n'y a personne pour faire jouer ce garçon dans nos contrées. C'est bizarre. Voilà, c'est un des types vraiment intéressants dans la musique électronique contemporaine. Fort influencé évidemment par ce qui s'est fait dans le passé, au même titre que les Dame Dykesters qu'on avait écouté aussi il y a quelques semaines. Voilà, ça s'appelle Dick Mills Blues, c'est le Dromy Lee Vale EP de Ecoplex. Dans le secret du son d'Abba. Thank you.

On est resté dans le cosmiche, mon cher Grigola. Cosmiche. À base de bulles analogiques, mais on a rajouté une franche dimension psychédélique. Excellent. Avec, avec Pete Swanson, qu'on n'avait encore jamais diffusé, du moins tout seul, puisque dans une précédente entité du Secret du Son d'Abba, on avait mis en lumière le travail de Yellow Swans, qui était le duo dans lequel il s'est illustré jusque dans les années 2008, 2009, peut-être même 2010. En tout cas, l'album Going Places qui venait clore la discographie, de peut-être momentanément d'ailleurs, de Yellow Swans, était sorti courant 2010 par le label Type, qui sort donc cet album Man With Potential, qui est uniquement disponible en vinyle, avec doublé d'un EP qui s'appelle Man With Garbage, qui est vendu avec, je crois, en format CD. Et tout du même acabit, parce voilà, que c'est vraiment excellent, hein. C'est vraiment, alors le Man With Potential est vraiment dans cet esprit, avec un fond technoïde, presque hard technoïde, mais noyé vraiment dans le brouillard, dans le blitz électronique, et effectivement la rythmique est pas du tout mise en avant, sinon on peut imaginer que ça en mixant les choses différemment, on obtiendrait des morceaux complètement plus dur, ouais. Voilà, beaucoup plus dur, beaucoup plus agressif. Il y a quelque chose de latent, hein. Mais on sent que c'est derrière, que ça demande qu'à s'exprimer, mais il y a ce brouillard, cette électricité statique permanente qui empêche la rythmique vraiment d'éclater, et ces éléments, enfin ces nappes mélodieuses ou crypto-mélodieuses, voilà. Sachant que la deuxième partie, Man With Garbage, est son équivalent, mais alors là t'enlèves toute dimension, je dirais, tonale, on est vraiment dans le quelque chose de beaucoup plus noisy à la Kevin Drum ou Kay Kennel, voilà. Donc c'est très intéressant, évidemment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce disque, ça s'appelle Man With Potential, c'est sorti par Type Records à la fin de l'année 2011, et c'est Pete Swanson. Eh bien vraiment, c'était très chouette. On va terminer l'émission avec Vatnet Vizcar. Je ne peux rien t'en dire des Vatnet Vizcar. Mais alors rien, c'est-à-dire qu'il vaudra que vous alliez avec le nom, équipé du nom, équipé aussi de la référence, puisque c'est sorti par Broken Limbs Recordings. C'est un 10 pouces. Et donc le 10 pouces, 3 titres, qui s'appelle du nom du groupe, Vatnet Vizcar. J'ai pas franchement cherché, c'est la nébuleuse black metal. Autant dire que ça reste une nébuleuse. J'hésite toujours à franchir le pas. En tout cas, ce qui m'a plu, c'est que l'évidence black metal n'était pas une. Voilà, n'est pas gâchée, ou du moins ne gâche pas plutôt. La dimension noise rock énergique qu'il y a contenu dans ces morceaux, c'est souvent ce qu'on reproche au black metal, c'est finalement un côté grandiloquent qui un peu prend le pas sur l'énergie et la virulence, et là je trouve que le dosage est juste. Il y a un côté post-hardcore que les fans de Neurosis et compagnie ne vont pas cracher dessus, voilà, exactement. Donc voilà, je prétends pas que ce soit une découverte, parce que certainement que les gens qui sont passionnés auront déjà mis une oreille sur ce disque, mais en tout cas, c'est l'occasion de flirter avec le black, ce qu'on ne fait pas tant que ça dans l'émission, dans les émissions du Secret du Son d'Abba, et on va se quitter là-dessus, mon cher Grigola. Bah oui, parce que peut-être que le Secret du Son d'Abba est dans le black metal, mais ça... Il est certainement scandinave, le Secret du Son d'Abba, de toute façon. Il est sûrement un peu scandinave. On se quitte, on se dit... Bon été. Bon été, bonjour, bienvenue, le soleil, oui, tu Vatnet Vizcar, tu vas le faire venir.